À l'heure où je t'écris, la pluie tombe. Je t'écris de ma plume solitaire. Je me souviens de ces murs que j'avais construits. Autour de moi s'écroule sans faire de bruit. Est-il en larmes? Ce sentiment me désarme. Je crois bien que je peux pas vivre sans toi. Car je t'aime, tu es le seul dont j'ai besoin. C'est comme si je m'étais réveillée d'un long cauchemar. Et toi tu m'entoures. Voici, je prends.